Les autorités de l'administration américaine s'évertuent à la campagne démagogique contre notre République en dénaturant notre mesure humanitaire comme une conduite inhumaine à propos de la mort du citoyen américain Vambier. À ce propos, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a lancé le 23 juin une communication qui note, entre autres, Vambier est le criminel condamné le 16 mars 2016 aux travaux forcés par la loi de notre République pour ses hostilités commises contre notre République selon l'ordre d'une formation américaine de conspiration anti-nord-coréenne. Rappelons que la Corée et les États-Unis sont en rapport d'hostilité suprême, en rapport belligérant. Ils se démènent frénétiquement pour déshonorer le prestige digne de notre État et nous supprimer, tout en recourant aux pires sanctions et pressions sans précédent. Nous n'avons donc aucune raison d'accorder de la pitié aux criminels d'un tel état hostile, mais compte tenu de l'aggravation de sa santé, nous l'avons traité avec soin jusqu'à son retour dans son pays du point de vue humanitaire. Aux États-Unis, court le bruit sans fondement que la mort est due à la torture et aux coups de poing lors des travaux forcés, mais les médecins américains qui étaient venus dans notre pays pour son renvoi auront à dire. Ils ont reconnu qu'ils ont ausculté Vambier, échangé leur opinion sur lui avec nos médecins, que les indices de la vie, y compris le résultat de l'examen du pouls, de la température, de la respiration, du cœur et du poumon, étaient normaux, et que nous avons ramené à la vie Vambier, dont le cœur cessait de battre. Vambier est la victime de la politique dite « patience stratégique » d'Obama, qui a refusé le dialogue avec nous, en proie à l'hostilité et au sentiment de refus extrême. Les États-Unis doivent répondre pourquoi le gouvernement américain, si intéressé à la sécurité de ses citoyens, ne nous a jamais demandé officiellement le problème de la libération humanitaire de Vambier au temps de l'administration d'Obama. Je tiens à affirmer que la pire victime de l'affaire, c'est nous. Si l'on croit que nous ne savons pas ce qu'est le gain ou la perte, ce sera un jugement erroné. La démagogie américaine nous persuade que l'humanitarisme et la générosité à l'égard de l'ennemi sont inadmissibles et qu'il faut observer la loi plus strictement. Les États-Unis doivent bien réfléchir sur les conséquences de leur conduite.